Dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Aujourd'hui, les promesses des robots. Dans cette émission, vous allez découvrir plusieurs robots humanoïdes, dont Nao, 58 cm, 6 kg. Nao est un des bébés de Rodolphe Gélin, spécialiste en intelligence artificielle et chercheur en robotique. Nao est un petit robot bipède que vous avez peut-être déjà croisé à l'entrée d'un magasin ou sur un salon. On l'utilise pour interagir avec des enfants autistes ou des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On peut l'imaginer garde-malade ou partenaire de jeu. Nao, le robot de SoftBank Robotique, ne se plaint jamais et il n'est qu'un timide exemple de ce qui nous attend dans les années à venir. C'est ce monde que va vous raconter le chercheur Rodolphe Gélin, lecteur passionné d'Isaac Asimov. Rodolphe Gélin est notre meilleur spécialiste français de robots humanoïdes. Faire des robots, c'est amusant, dit-il, et ça aide les gens. En tout cas, on en attend beaucoup. Les aventuriers sur France Inter. Alors on en attend principalement, alors c'est très variable, soit dans l'industrie on en attend qu'ils se chargent de tâches pénibles, dans les milieux hostiles on attend qu'ils aillent dans des endroits où l'homme ne peut pas aller, et puis dans notre quotidien on attend qu'ils nous tiennent compagnie, qu'ils nous aident dans nos tâches ménagères éventuellement, dans tout ce qu'on n'aime pas faire. Ou qu'ils soient des compagnons pour nous aider à passer des meilleurs moments. Voilà, c'est immense le champ d'application de la robotique, et c'est ça qui fait rêver, et c'est ça qui a fait rêver les auteurs de science-fiction. C'est pour ça qu'on voit des tas de robots qui font des tas de choses dans les livres, dans les films. Voilà, et nous autres, pauvres roboticiens, on court un peu derrière la science-fiction. 19 décembre 1956, actualité française. Plus exceptionnel encore, cette image du monde de demain qui pourrait nous donner la chair de poule. Fruit suprême de la cybernétique, on a vu dans la rue s'en aller au rendez-vous des robots, ce robot dansant constellé de signaux et de sémaphores comme une gare. Le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce, M. Le Maire, a cependant fait bon ménage avec ce monde de l'automation dans lequel se distinguait un barman robot. Idoine a fabriqué pour chaque personne, selon sa force, l'état de ses nerfs et la rapidité de ses réflexes, déterminés par une série de manœuvres, son très personnel cocktail fonctionnel. Parfait barman, l'appareil est aussi honnête caissier. Il rend la monnaie. 1956, ça vous étonne ? Oui, ça m'étonne beaucoup, parce que ça, c'est des choses qu'on essaye encore de faire. Il y a encore quelques robots qui préparent des cocktails, alors qu'ils rendent la monnaie, ça m'impressionne un peu plus, là. Alors aujourd'hui, avec les cartes bleues, on s'est simplifié le problème de rendre les piécettes. Voilà. Il y a aussi ça, c'est que le monde évolue, donc les tâches qu'on va demander aux robots vont peut-être un peu changer aussi avec le temps. Alors, quelques portraits de robots qui existent aujourd'hui, si on commençait par Roméo. Alors, Roméo, bon, j'ai un attachement particulier, vous savez, à Roméo, parce que c'est le prototype dont j'ai eu la charge quand je suis arrivé chez Aldébaran, il y a une dizaine d'années. Donc, c'est un robot humanoïde de grande taille, qui fait 1m40, et dont la destination était l'aide aux personnes âgées. Sa particularité, c'est que il est à jambes, et des grands robots à jambes, il y en a pas beaucoup. Il y a quelques prototypes au Japon, aux États-Unis, mais ça reste quand même assez rare et assez compliqué à faire. Et puis on a aussi beaucoup travaillé sur son apparence, parce que comme il était destiné à aider des personnes qui sont pas forcément fans de technologie, et ben l'apparence de Roméo devait être rassurante, et donc on a travaillé beaucoup sur son expressivité, sur ses formes tout en rondeur. Et on a aussi travaillé sur son regard, par exemple. C'est un des rares robots avec des yeux qui bougent. Souvent, les yeux de robots, c'est des petits écrans ou des pastilles noires au travers desquelles les caméras passent. Voilà, on a voulu travailler sur l'expressivité aussi par le regard de ce type de robot. Qu'est-ce qui est difficile quand on conçoit un robot ? Alors, ce qui est difficile, c'est que l'apparence est primordiale. Et on l'a vu quand on a fait des essais avec des personnes âgées, quand on leur dit « on fait un robot pour vous aider », tout de suite, elles disent non, on a peur. Et quand on leur montre un robot comme ceux que nous faisons, avec une bonne tête, ah oui, ça, on veut bien. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, l'apparence est cruciale. Et après, il faut faire rentrer toute la technologie là-dedans. C'est ça qui est très compliqué. La robotique, c'est beaucoup d'intégration. C'est de l'électronique, de la mécanique, de l'informatique, des capteurs. Avec la contrainte que la technologie doit s'aligner avec les besoins du look extérieur. Et donc, dès que vous ratez un petit quelque chose sur un robot humanoïde, ça saute aux yeux tout de suite. Et les yeux, particulièrement, avec Roméo, on avait travaillé sur des yeux donc, qui étaient comme des yeux humains, qui bougeaient. Mais dès que, en fait, ces yeux n'étaient pas bien alignés, parce que mécaniquement, on n'avait pas fait de bon réglage, et ben tout de suite, la personne en face le ressentait. Alors, tant que le strabisme était comme celui d'un être humain horizontal, bon, ça pouvait amuser les gens. En revanche, quand le strabisme était vertical, c'est-à-dire un œil qui regarde en haut, un œil qui regarde en bas, là, ça mettait les gens très, très mal à l'aise. Et pour cause. Donc, on s'aperçoit que ce genre de détails, c'est très, très sensible. Et quand on fait du robot humanoïde, ben, forcément, les gens sont très, très sensibles à de minuscules détails d'apparence. Et pourquoi votre truc, c'est le robot humanoïde ? Alors, la grande... Il y a la réponse politiquement correcte et puis la réponse un peu moins avouable. Et je vais commencer par celle-là. C'est parce que dans la science-fiction, tous les robots sont humanoïdes. Et donc, quand on est ingénieur, on a envie de faire ce qu'on voyait dans les films de science-fiction, c'est-à-dire R2-D2, c'est-à-dire... Pardon, 6PO, c'est-à-dire des robots qui ont cette contrainte, qui marchent, parce que c'est compliqué à faire. Après, d'autres raisons qui sont un peu plus avouables, qui sont, si vous voulez qu'un robot compagnon partage votre environnement, il faut qu'il soit capable d'interagir dans le même monde que le vôtre, c'est-à-dire un monde où il y a des poignées de porte, où il y a des marches, et donc forcément les jambes, les bras, les mains, tout ça va être nécessaire pour qu'il puisse utiliser les mêmes outils que nous. Et voilà. Et dernière raison, c'est l'interaction aux machines. Quand vous êtes en face d'un objet qui n'a pas de tête, vous n'avez pas envie de lui parler, vous ne savez pas comment ça marche. D'ailleurs, les personnes âgées qui étaient inquiètes par nos robots, elles avaient peur de ne pas savoir s'en servir. Dès que votre robot il a une tête un peu humanoïde, avec des yeux, des oreilles, les gens comprennent qu'on peut lui parler et que ça va être plus facile d'interagir avec lui. Alors, vous êtes le papa de pas mal de robots. Pepper, c'est aussi un peu votre enfant. Donc, Pepper, c'est un robot d'1m20, donc un petit peu plus petit que Roméo, avec des roues. Alors là, on répondait à un cahier des charges donc qui nous venait de SoftBank, un géant de la téléphonie au Japon, et qui voulait mettre des robots pour accueillir ses clients dans ses magasins. Et donc ce robot Pepper, il fallait qu'il ait 12 heures d'autonomie, qu'il puisse être stable au milieu de la foule. Donc voilà pourquoi on lui a mis des roues, des grosses batteries, et donc on a un objet qui a une forme un peu différente. 6 octobre 2017, conférence TEDx à Martigny, en Suisse. Je m'appelle Pepper. Ce sont des êtres humains qui me programment pour aider d'autres êtres humains à effectuer des tâches répétitives qu'ils ne veulent plus faire. Bon, c'est vrai que si l'on voit les prédictions, je serai bientôt capable de vous remplacer dans la plupart de vos activités. Laissez-moi faire ce que vous n'aimez pas faire. Je m'en charge volontiers. Et vous, pendant ce temps, n'oubliez pas de vivre. Vous n'êtes pas une machine. Et pour profiter de votre vie, pas besoin de fusionner avec les machines. Débranchez-vous. Restez humain. Voilà, ça c'était à l'occasion d'une conférence TEDx. Alors, Pepper, on l'a vu dans les gares, dans des grands magasins. Ça marche ? Alors, ça marche dans le sens que c'est accepté. En fait, le public ne voit pas ces robots comme une menace à l'emploi, une menace à la suprématie sur l'humanité, tout ça. Donc, l'acceptabilité est bonne. Et ça, c'est extrêmement rassurant de voir que les gens n'ont pas peur de ces robots-là. Alors qu'on vient d'un monde, d'un univers fictionnel où les robots sont souvent assez menaçants, en tout cas en Europe et aux États-Unis. Donc, ça marche de ce point de vue-là. Et Atlas, le robot Atlas ? Alors Atlas, c'est un prototype développé par Boston Dynamics, c'est un robot humanoïde, on va dire qu'il a des jambes et des bras, en revanche sa tête est un peu moins clairement définie, et c'est une performance en termes de locomotion, c'est-à-dire en fait tous leurs efforts chez Boston Dynamics et toute leur expertise qui est gigantesque, réside dans la capacité d'un robot à se déplacer sur ses deux jambes. Ils ont aussi fait des très belles choses avec quatre jambes, mais Atlas est un robot bipède et qui fait des choses extraordinaires. Les premières vidéos, on le voyait marcher dans la neige, dans le sable, on le voyait se maintenir en équilibre alors qu'on le bousculait. Et puis là, les dernières vidéos, c'est l'escalade, c'est le cas de le dire, parce qu'on le voit sauter sur des blocs et puis faire des sauts périlleux. Donc voilà, Boston Dynamics a montré que il n'y a quasiment pas de limite à l'habileté, à l'agilité dans la locomotion d'un robot à bipède. En revanche, c'est une machine extrêmement coûteuse, extrêmement sophistiquée, qui est très loin d'être un produit. mais ils ont quand même démontré ce qu'il était possible de faire. Et ça, c'est le boulot des chercheurs, de montrer ce qui est possible. Après, il faudra décliner ça pour faire des objets moins chers, plus sûrs. Mais ils ont ouvert une voie qui est vraiment spectaculaire et incroyable. Ça veut dire qu'on va en voir de plus en plus des robots humanoïdes ? Ben j'espère. Il faut vraiment qu'on trouve les bons usages dans lesquels ils seront adaptés. Ben, comme le disait Pepper elle-même, on va lui trouver sa place pour lui faire ce qu'on n'a pas envie qu'on fasse et qu'on ait plus de temps pour s'occuper de soi, mais aussi pour s'occuper des gens. Nous, un des positionnements pour lequel on imagine nos robots, c'est faire des tâches qui demandent assez peu de rapports humains, par exemple, même si nos robots sont capables de dialoguer, de détecter certaines émotions. Voilà, il y a tout ce qui est toute la richesse d'un échange avec une personne humaine, la compréhension de ses vrais problèmes. Bon, ça, laissons-le à des êtres humains. Et puis, en revanche, confions aux robots les tâches répétitives, soit que ce soit des tâches physiques, soit des tâches cognitives, du genre donner une information sur où est la sortie la plus proche. Donc, tout ça, il n'y a pas besoin d'empathie extraordinaire quand on fait ça. Donc, c'est bien que le robot soit toujours disponible pour donner ce genre d'informations. Et en revanche, quand les gens sont perdus parce qu'ils ne savent pas se servir de leur appareil, là, en effet, un rapport humain sera toujours, pendant longtemps, sera mieux. On écoute Renan Luce, On s'habitue à tout. On s'habitue à tout. Aux colonnes de Buren, à Duchamp, sa fontaine, aux coups de boule de Zizou, aux voix dans l'autotune, à nos villes qu'on enfume, à nos vilaines tout. On s'habitue à tout, voir vieillir ses parents, voir élus des tyrans, aux voix qui amadouent, à se méfier de ce qu'on mange, à se méfier des gueules d'ange, à plus se méfier du tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, ce baston de mots doux. On s'habitue à tout, mais pour l'amour qui part, les amoureux hagards s'en remettent au vaudou. S'en remettent au vaudou. On s'habitue à tout, à notre Eldorado, aux poumons remplis d'eau, aux urnes remplies de boue, au 21 avril, au réveil difficile et à celui des loups. On s'habitue à tout, au bruit de pas du dessus, à vivre un peu déçu, à vivre de peu de sous, à faire un peu l'autruche sans remettre les bûches qui font battre le pouls. On s'habitue, c'est tout, à faire sa petite danse javanaise de l'absence, et j'en bave pas vous, mais on s'habitue à tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, ce baston de mots doux. On s'habitue à tout, mais pour la qui part, les amoureux hagards s'en remettent au vaudou. S'en remettent au vaudou. S'en Rodolphe Gélin, chercheur en robotique, rêve de robots compagnons qui pourraient aider les personnes âgées. Le mot « robot » vient du tchèque « roboti », qui veut dire « travailler ». Le mot a été inventé en 1920. Les robots sont présents depuis longtemps dans l'imaginaire des hommes, mais il faudra attendre l'avènement de l'électronique pour que les premiers apparaissent. Je pense que la vraie robotique a commencé vraiment quand on a commencé à avoir de l'informatique, de l'électronique qui permettait de programmer. En fait, la particularité du robot par rapport aux machines à tisser, qui était aussi un des précurseurs de la robotique, c'est leur capacité à être reprogrammée facilement et pour faire des nouvelles tâches, apprendre des nouvelles tâches et en refaire. Et donc, on situe plutôt les débuts de la robotique dans les années 50, avec là des robots plutôt manipulateurs, donc des robots qu'on mettait dans les usines, où le robot a commencé à faire des tâches répétitives de peinture, de soudure, où là c'était des tâches qui étaient difficiles, qui étaient pénibles à faire par l'homme. Et là donc la société Unimation a pour la première fois mis des mécaniques polyarticulées, comme on dit, donc avec plusieurs articulations, capables de manipuler des outils et d'effectuer des tâches. Donc des robots à l'usine dans les années 50, mais pas que à l'usine. Vous vous souvenez d'Albert Ducrot ? Bah oui, je l'écoutais à la radio quand j'étais petit. Alors lui, il avait un robot qu'il avait fait lui-même. 15 octobre 1953, actualité française. Monsieur Albert Ducrot, votre dernier animal que vous avez revêtu d'une peau de renard, quelle nouveauté présente-t-il ? Alors voici, j'ai doté le renard de ce que j'appelle une mémoire intégrative. Ce n'est pas un peu le réflexe conditionné de Pavlov, non ? C'est le réflexe conditionné, si vous voulez, en ce sens que justement... Il apprend. Il y a une expérience que je m'amuse toujours à faire, car elle est assez amusante. Ça consiste à approcher du renard une lampe électrique. Alors, quand on lui approche une lampe électrique, il se dirige vers cette lampe, et quand on enlève la lampe, il cesse de se diriger, il se met à explorer. Il la cherche. Mais si vous faites le même geste, à un rythme répété plusieurs fois de suite, eh bien, vous constatez que même à partir du moment où vous avez retiré votre lampe électrique, le renard continue à se diriger vers cette direction-là. C'est-à-dire qu'il n'aime pas qu'on se moque de lui. Alors, on a fait beaucoup de progrès depuis 1953. Oui, oui. Et alors, les progrès, ils sont arrivés aussi avec les progrès de l'informatique. Et voilà, tout ce qui était fait par Albert Ducrot, et puis il y avait aussi Walter Gray qui faisait des tortues un peu dans ce type-là. Voilà, tout ça était fait avec des composants électroniques dits analogiques, c'est-à-dire que voilà, il fallait programmer des résistances. C'était un vrai savoir-faire très très compliqué. Je ne sais pas si aujourd'hui. Beaucoup de gens feraient ça, et surtout, on ne le ferait plus du tout comme ça. Aujourd'hui, on fait des programmes informatiques qui vont décrire le comportement qu'on veut que la machine ait, et par certains côtés, ça devient beaucoup plus simple. Alors vous, votre truc, c'est des robots qui assistent les personnes âgées. Oui, voilà, c'est un usage qui est... par certains côtés un peu disruptif, parce que pendant longtemps on a imaginé les robots comme étant voilà pour faire la guerre, des robots pour aller explorer des planètes, des robots pour travailler durement. Mais en fait, le robot peut être un compagnon proche des gens et un assistant au quotidien. J'avais commencé à voir ça quand on travaillait au CEA. Le CEA avait lancé un grand programme de robotique d'aide aux personnes handicapées. Le robot au CEA, il était utilisé pour aller manipuler des matières radioactives, donc dans des endroits où l'homme ne pouvait pas aller. Le robot les manipula à sa place. Et en fait, le problème est un peu le même pour une personne lourdement handicapée. Il ne peut pas manipuler son environnement, pas parce qu'il est radioactif, mais parce qu'il n'a pas de bras. Et donc le robot était son bras, le robot était ses jambes et pouvait l'aider à faire des tâches qu'il ne pouvait pas faire. Et donc, qu'est-ce que vous avez imaginé ? Parce qu'il y en a maintenant des robots chez des personnes âgées. Suite à ça, donc c'était une première. Là, maintenant, on s'aperçoit que le handicap, c'est une chose, mais le vieillissement de la population en est une qui est, heureusement ou malheureusement, beaucoup plus sérieuse en quantité. Et donc, on s'est mis à réfléchir comment le robot pourrait aider ces personnes-là, en fait, à rester autonomes un peu plus longtemps. Le grand problème de pas mal de personnes âgées, c'est qu'elles sont seules et que du coup, elles sont pas en sécurité. Elles ont du mal à, elles peuvent oublier ou avoir du mal à s'alimenter, à boire, à faire les gestes du quotidien. Et donc, le robot peut être là pour les assister. Et donc, quand on a réfléchi avec les personnes âgées, puis aussi avec leur entourage, on s'est aperçu qu'il y avait trois grandes catégories d'assistance que les robots pouvaient apporter. Alors pas uniquement les robots, mais les robots peuvent apporter ça. C'est la sécurité. Le robot peut veiller à ce que la personne, si elle tombe, elle arrive à se relever, qu'elle pense bien à prendre ses médicaments. Et comment ça marche ? Là, le robot, par des systèmes de vision, il va regarder la personne. En fait, la particularité du robot par rapport à pas mal d'autres appareils qu'on peut avoir chez soi, c'est qu'il peut suivre la personne. Il peut se déplacer pour être toujours à ses côtés. Alors, évidemment, il ne faut pas être intrusif, hein, mais il peut rester à proximité, puis vérifier que tout va bien, vérifier que la personne bouge normalement, fait ce qu'elle fait d'habitude à cette heure-là. Et puis, si la personne, s'il voit que la personne est allongée par terre au milieu de son salon à une heure qui n'est pas à une heure à laquelle on s'allonge au milieu de son salon d'habitude, eh bien, il peut, à ce moment-là, déclencher une procédure de vérification, demander à la personne si tout va bien, si elle a besoin d'aide, et éventuellement appeler même une assurance. On imagine que ce système de robotique sera sans doute cofinancé par des assureurs qui seraient très contents d'avoir un moyen de veiller que leurs assurés vont bien et d'intervenir au bon moment. Alors vous avez dit trois points, donc un, la sécurité. Le second, c'est le maintien des relations sociales. Une des craintes aussi, quand on commence à proposer des robots aux personnes âgées, qui disent « oui, mais après, je ne verrai plus personne, je vais être qu'avec le robot toute la journée ». C'est un danger. C'est vrai que c'est comme un ado qui passe toute sa journée avec son téléphone portable. On pourrait imaginer que la personne âgée va passer toute sa journée avec son robot. Mais on peut aussi confier au robot la responsabilité de s'assurer que la personne parle à des êtres humains. Et donc, ça peut être le robot de dire, ben là, ça fait 2-3 jours qu'on n'a pas parlé à tes enfants, si on les appelait. Tiens, ton médecin, ça fait un moment que tu n'as pas de nouvelles. On va l'appeler. Donc, le robot peut être en charge de maintenir ce lien social. Et puis aussi de maintenir les capacités cognitives d'une personne qui va passer toutes ses journées tout seul, qui va parler à personne d'autre que Fabienne Chauvière dans sa radio ou le présentateur télé. Mais voilà, le robot peut être une présence, c'est une présence qui va discuter avec la personne et la stimuler pour qu'elle continue à se servir de sa tête. Et donc tout ça participe au maintien de son lien social. Et le troisième point ? Et le troisième, c'est celui que nous, ingénieurs, on avait imaginé en premier, c'est-à-dire les tâches quotidiennes. Aider à faire à manger, aider à s'habiller, aider à aller chercher un objet qui est loin. Voilà, toutes ces tâches-là que moi, quand j'ai commencé à développer des robots pour le CEA, c'était celles qui m'intéressaient le plus, parce que c'est, pour l'ingénieur, c'est les plus compliquées. Mais pour les personnes, c'est pas ça qui les intéresse le plus. Évidemment, elles seront contentes quand elles l'auront, mais les personnes et leur entourage, c'est la sécurité et c'est le lien social qui passe avant. Et ce robot existe, il s'appelle Nao, c'est ça ? Alors il y a Nao et Pepper, tous les deux ont travaillé dans ce domaine-là. 19 juin 2012, France Culture, Nao, le robot humanoïde de Rodolphe Gélin. Bonjour Marie, je te comprends très bien. Tu peux me poser des questions si tu veux. Est-ce que tu me vois ? Bien sûr, mes deux caméras me permettent de détecter et de reconnaître ton visage. De quel monde viens-tu, Nao ? Je suis un robot humanoïde. Je peux suivre un objet, danser, raconter des histoires, lire tes emails, t'apprendre une langue étrangère et plein d'autres choses. Je suis un robot compagnon. Mon rôle est d'interagir avec les humains, comme toi. Et comment est-ce que vous avez réussi à le faire accepter, ce robot, par les personnes âgées ? En le montrant, en fait. Juste en le voyant, les personnes ont dit « Ah bah ça c'est mignon, ça c'est sympa, qu'est-ce que ça peut faire ?» Le mot robot était associé chez elles à des tas de choses négatives, mais en revanche, simplement en voyant l'apparence de ce robot, et en plus, on l'a doté, comme on le devine un peu là sur cet extrait, d'une espèce de personnalité, plutôt sympathique. Donc, alors il a une voix aussi qu'on a mis assez longtemps à choisir, qui doit être un petit peu métallique pour rappeler que c'est une machine, mais en même temps audible et naturelle. Donc ça a été un travail assez long et on en est assez fiers aujourd'hui de cette voix. Et puis, penser à ce que, toujours, dans la façon qu'il a de parler, mais même aussi de bouger, de lui donner des petites expressions qui vont le rendre sympathique. Alors, par certains côtés, certains vont dire « oui, mais alors c'est du mensonge, parce que le robot se fait passer pour un être humain » en faisant des petites blagues qu'il n'a pas inventées, mais que quelqu'un a écrit pour lui. Oui, il peut faire des blagues. Il aime. Alors, une des démonstrations célèbres de Nao, c'est quand Nao marche, il va tomber. Bon, parce qu'on le bouscule, parce qu'il n'a pas vu qu'il y a un obstacle. Il tombe et à ce moment, il fait « ouille ». Alors qu'évidemment, un robot n'a pas mal. Il n'a aucune raison de faire « ouille ». En revanche, en faisant ce petit bruit, tout de suite, on a de l'empathie pour lui. Et on voit qu'il partage avec nous le fait qu'il n'aime pas tomber. Et puis quand il se relève, il dit j'ai encore mangé des asticots. Voilà, où on est mieux quand on est debout. Voilà, tout ça sont des petites phrases qui ont été inventées par des scénaristes en fait, par des dialoguistes, et qui vont donner une personnalité attachante au robot et qui feront que les personnes âgées notamment et les enfants et tout le monde, quand vous voyez ça, vous dites c'est pas un robot qui fait peur, c'est un robot qui est sympa, qui est rigolo, qui connaît nos codes. Où est-ce qu'on le trouve, Nao? Il est chez qui en ce moment? Alors Nao, il est principalement dans des laboratoires et dans des écoles et dans des universités. Il est utilisé beaucoup pour la recherche et l'enseignement, mais de plus en plus, on commence à le voir dans des maisons de retraite, notamment. On a des partenaires qui ont développé sur Nao des applications pour les maisons de retraite. Alors c'est aujourd'hui, encore dans des lieux publics. Il n'y a pas des personnes âgées chez elles, à domicile, qui l'ont en permanence, parce que le robot est un peu encore pas tout à fait suffisamment. On n'a pas assez de services pour que ça se justifie. En revanche, dans ces maisons de retraite, le robot va donner des informations sur les activités de la journée, sur le programme à la télé, sur qu'est-ce qu'on mange. Il fait faire un peu de gym aussi aux personnes. Mais le robot à la maison, c'est le but. Absolument. Le robot à la maison, c'est ce que nous visons tous. Tous les roboticiens et aussi pas mal d'utilisateurs. Moi, pas mal de gens nous disent quand est-ce que je peux avoir un robot chez moi. Il y a déjà des milliers de Nao dans le monde et dans un instant, Rodolphe Gélin expliquera comment on met au point un robot. Summertime and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. C'était Lana Del Rey. Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Le monde qui nous attend avec les robots, on le connaît presque. On l'a vu au cinéma et on l'a lu dans les romans. Et ce monde qui semble être désormais à portée de main se prépare sur les paillasses des laboratoires. Oui, Rodolphe Gélin, chercheur en robotique et en intelligence artificielle, travaille dans un décor de cinéma, mais c'est lui le héros et on est dans la réalité. Pour faire un robot, avant tout, c'est de la mécanique, parce que ce qui différencie un robot d'un ordinateur, c'est son corps, c'est son existence physique. Donc il faut une mécanique, des moteurs qui vont faire bouger cette mécanique. Ça, c'est vraiment le point de départ. Autour de ça, il faut que cette mécanique ait des capteurs pour prendre en compte son environnement. Donc on va retrouver l'action avec les moteurs et la perception avec les capteurs. C'est ça qui va faire que le robot va pouvoir interagir avec le monde. Et le lien entre l'action et la perception, bah c'est le cerveau, c'est la réflexion, et c'est là, c'est l'ordinateur. Donc quand vous associez un ordinateur avec des capteurs et des moteurs, vous commencez à avoir un robot. Et donc ça ressemble à quoi, un laboratoire où on imagine des robots ? Alors ça ressemble à... Il y a beaucoup d'ordinateurs. Évidemment, de plus en plus d'ordinateurs. Des ordinateurs, ça commence par des ordinateurs sur lesquels on fait des dessins en 3D des pièces mécaniques. Donc vous allez voir des pièces dessinées à l'écran. D'abord des pièces qui sont en deux dimensions, c'est-à-dire plates, et puis après qui apparaissent en trois dimensions, autour des qu'on peut faire tourner pour voir leur allure. Après, virtuellement, on va assembler toutes ces pièces et le robot va petit à petit être assemblé entièrement virtuellement sur un écran d'ordinateur. Et après, on va commencer à fabriquer des pièces. Donc on a des imprimantes 3D pour... commencer à voir les premiers éléments de mécanique qu'on va pouvoir tester. Et puis à côté, vous avez aussi des laboratoires d'électronique où là, on trouve des oscilloscopes qui sont des gros cubes sur lesquels il y a des écrans avec des spots lumineux qui bougent, qui font des bruits. Et qui servent à quoi ? Et qui servent à vérifier beaucoup le comportement des moteurs, par exemple. Quand on fait tourner un moteur, on vérifie qu'il tourne à la bonne vitesse, qu'on arrive bien à moduler sa vitesse en fonction des capteurs qui vont récupérer des informations à l'extérieur. Donc ces appareils-là, après vous avez évidemment beaucoup de fer à souder, vous avez aussi encore des écrans d'ordinateur pour décrire les cartes électroniques qui vont être mises sur ce robot. Et puis après on lui apprend à regarder et puis on lui apprend à parler. Alors pour parler, y a des haut-parleurs, donc ça fait encore partie d'espèces d'actionneurs. Hein. Si c'est même pas des moteurs, c'est quand même des choses qui comptent comme des sorties de ce qui sort du cerveau. Et puis pour regarder et pour écouter, le robot il est doté de caméras et de micros. Et tout ça est relié à l'ordinateur et l'ordinateur va faire du traitement de données, du traitement de signal venant des micros, des caméras, pour comprendre son environnement, comprendre les questions, comprendre qui lui parle, comprendre quels sont les objets autour de lui et puis prendre des décisions en fonction de ça. Alors on a l'impression qu'au niveau de la voix, il y a eu de gros progrès qui ont été faits ces dernières années. Des voix robotiques, entre guillemets, ressembleraient presque à la vôtre, la mienne. Ah oui, la synthèse vocale, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup progressé, et pas pour la robotique en fait. La robotique ne fait que cueillir les fruits de progrès qui ont été faits dans ce domaine-là, parce que la synthèse vocale, elle est utilisée sur les écrans d'ordinateur, elle est utilisée dans les téléphones portables, elle est utilisée dans les gares pour faire des annonces. Voilà, la synthèse vocale, c'est crucial. Et d'ailleurs, c'est très curieux de voir que dans le film La Guerre des Étoiles, il y a un des robots, le petit robot R2-D2, il ne sait pas parler, il ne fait que siffler, alors que pourtant, c'est ce qu'il y a de plus facile aujourd'hui à faire pour un robot de parler. 1939, une voix synthétique est présentée à la télévision américaine. La machine n'utilise que deux sons, produits électriquement. Le premier pour la respiration, et l'autre pour la vibration des cordes vocales. Il n'y a pas d'enregistrement du son ou rien de la sorte. Que des circuits électriques, comme ceux utilisés par les téléphones. Voyons comment donner de l'expression à une phrase. Dites, elle m'a vu, sans aucune expression. Maintenant, répondez à cette question. Qui vous a vu? Qui a-t-elle vu? Elle vous a vu ou elle vous a entendu? Ça vous épate? 1939. Oui, c'est très spectaculaire parce qu'on est encore une fois, il n'y avait pas tout l'arsenal informatique dont nous disposons aujourd'hui. Et c'est surtout la partie expressivité qui est encore quelque chose qui est très recherché aujourd'hui dans les synthèses vocales. Donc aujourd'hui, les robots parlent pas mal, mais est-ce qu'ils écoutent bien? Alors ils écoutent moins bien, beaucoup moins bien qu'ils ne parlent. Alors là aussi, ça progresse de façon vertigineuse et encore une fois, pas forcément. Pour la robotique, mais quand on voit sur nos téléphones portables, il y a de plus en plus de reconnaissance vocale, et c'est la grande demande. Les enceintes connectées qui apparaissent aussi ont des moteurs de reconnaissance vocale qui sont de plus en plus performants, mais ça reste encore un point un petit peu délicat. Et notamment, dès qu'on est dans une situation un petit peu difficile, notamment bah, nous qui travaillons dans des lieux publics, quand il y a du bruit de fond, ça ne marche pas toujours parfaitement. C'est vrai que vous travaillez avec des psychologues, des grammairiens. Alors oui, la compréhension du langage et le traitement de ce qu'on a compris nécessite beaucoup plus que des informaticiens. Donc on avait pas mal travaillé sur la reconnaissance d'émotions. Donc avec cette fois, c'est pas le robot n'exprime pas des émotions dans sa voix, mais il va percevoir dans la voix de la personne qui lui parle si elle est heureuse, si elle est en colère, si elle est fatiguée. Et à partir de ça, donc ça c'est, je dirais presque purement informatique, si ce n'est que pour que ça marche, il faut faire de l'apprentissage. C'est-à-dire, il faut faire écouter au robot des tas de voix, de personnes en colère. Et alors, qui va décider que la voix qu'on écoute, qu'on fait écouter au robot est une voix d'une personne fatiguée ou en colère? Donc là, on a déjà besoin de quelqu'un, d'un être humain qui forme le robot sur ça. Une fois que le robot sait reconnaître ça, comment doit-il réagir? Est-ce que quand moi je suis en colère, le robot doit se mettre en colère avec moi pour me montrer qu'il est énervé? Oui, t'as raison, il faut pas se laisser faire. Ou est-ce qu'il doit m'apaiser? Non, mais c'est pas grave, attends. Donc il faut qu'il connaisse mon profil psychologique pour être capable de dire, bah, quand il est dans cet état-là, il faut plutôt avoir cette attitude-là. Et donc là, on se rapproche en effet de psychologues qui vont nous dire, bah, il faut d'abord modéliser le profil psychologique de l'utilisateur pour que le robot ait la bonne réaction adaptée au contexte et à la personne. Et après, ça dépend aussi du contexte, c'est ça qui est très compliqué. Il y a des fois, j'ai besoin que le robot s'énerve avec moi, parce que ça me fera du bien, et il y a des fois, le robot, il faudra qu'il me calme. Voilà. C'est ça qui est génial, c'est que la complexité de la prise en compte de l'être humain est quasiment sans fin, quoi. Mais quels sont les défis aujourd'hui qui sont à relever? Bah aujourd'hui, c'est beaucoup ça, quoi. C'est la compréhension du contexte. Et puis petit à petit, voilà, il faudra que le robot comprenne le second degré, qu'il soit capable d'anticiper les réactions, qu'il soit un petit peu proactif, qu'il voit que, bah tiens, quand je tourne la tête à droite à gauche avec les sourcils froncés, c'est que je cherche quelque chose, et que comme il regarde l'heure, il sait, ah oui, c'est l'heure de prendre le métro, il doit chercher son pass Navigo, et à ce moment-là, il va me dire, la dernière fois, tu l'as mis là. Voilà, c'est dans cette direction-là qu'on veut aller pour que le robot se nourrisse de son interaction avec nous pour être capable de nous rendre service de la façon la plus intuitive possible. Donc vous pensez vraiment que ça va se passer comme ça? On aura un petit robot à la maison? Bah oui, je pense que c'est le sens de l'histoire. Alors après, est-ce que ce robot, il aura une forme humanoïde ou est-ce que ça sera notre téléphone portable qui détecte ça? Aujourd'hui, mon téléphone portable, à 4h, il a sonné en disant « Attention, tu dois être à la maison de la radio à telle heure, donc faut penser à partir à telle heure. » Voilà. Donc tout ça, déjà, on a une espèce de petite conscience qui est près de nous et qui nous rappelle tout ça. Donc voilà, ces fonctions-là d'assistance au quotidien pourront être incarnées soit dans des objets comme le téléphone, mais aussi dans le robot humanoïde. Un jour, vous m'avez raconté comment on pourrait demander à un robot de faire des crêpes. Oui, c'était un projet européen auquel on avait participé et qui était très intéressant parce qu'il se proposait d'apprendre au robot à apprendre. C'est-à-dire comment... En effet, quand vous enseignez comment faire des crêpes à un enfant la première fois, vous allez lui montrer les ingrédients, vous allez lui montrer les gestes. Et donc ce projet-là avait pour objectif de faire un robot qui était capable d'apprendre. Et donc pour lui, apprendre, c'était aller chercher sur une demande des crêpes, il va aller chercher sur Internet une recette de crêpes. Et donc il va voir qu'il faut de la farine, des œufs. Et alors tout ça, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il sache que c'est que de la farine, qu'il sache que c'est des œufs, dans la maison où c'est. Donc il a besoin d'un modèle du monde qu'on appelle une ontologie qui lui dit que les œufs, c'est rangé en général dans le frigo, et donc il faut qu'il sache que c'est qu'un frigo. Donc on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire, à savoir pour faire des crêpes. Et alors non seulement des choses terre à terre, mais il y a aussi du non-dit. Par exemple, dans la recette, s'il est dit qu'il faut mettre les œufs entiers, voilà, le robot va mettre l'œuf entier avec la coquille. Et donc, il faut qu'il sache que quand on dit œuf entier dans une recette, ça veut dire le blanc et le jaune. Et donc, on se rend compte pour qu'un robot interagisse dans le même monde que nous, non seulement il lui faut une forme physique pour ça, mais il faut aussi qu'il ait plein de connaissances qui soient acquises. Alors, soit on a rentré cette description du monde, voilà, et donc il y a des gens qui vont dire au robot tout ce qu'il doit savoir, c'est très très long. Ou alors le robot va apprendre. Et donc ça, c'est les nouveaux défis de l'intelligence artificielle, c'est le robot va apprendre tout ça. Donc la première fois, il va mettre l'œuf complet. Vous allez lui dire, non, c'est pas comme ça quand on dit... Et donc après, il le fera plus. Donc ça, Ça, c'est un dosage à trouver entre est-ce que le robot apprend avec ses erreurs, et donc ça risque d'être assez énervant au début, ou est-ce qu'on lui enseigne des choses à l'avance, est-ce que, voilà, tout ça, cette partie apprentissage sera vraiment fascinante, et c'est là-dessus que les chercheurs se passionnent. Et puis après, il y a toute la gestuelle aussi. Comment on apprend un geste à un robot? Et comment on lui apprend à retourner une crêpe sur une poêle? Est-ce qu'on lui montre le geste? Mais si on lui montre juste le geste et qu'il fait juste le geste et que la crêpe tombe à côté, il sera content parce qu'il a fait le geste qu'on lui a demandé. Donc il faut aussi lui dire que ce geste-là, ça a pour objectif que la crêpe se retourne. Et donc il faut lui apprendre pas le geste lui-même, mais l'objectif du geste. Et on commence à avoir des beaux résultats. Est-ce que l'on pourra un jour construire une machine consciente? Quelle sera la place des robots dans les années à venir? C'est ce que nous verrons dans la prochaine partie des Saventuriers. Un robot électronique, magnétique, informatique, aspirer, laver, brosser, éplucher, tricoter, raser. Peser les lits, le courrier, couper les frites, bercer bébé, préparer l'eau pour le bain et donner la pâtée au chien. Bien huilé, jamais grippé, sans peine de cœur et sans pensée, le robot matin et soir vivait heureux sans le savoir. Mais un jour, une marguerite vint troubler la paix de l'ermite. Elle ne faisait rien du tout que sentir bon, et puis c'est tout. On changeait l'eau de la fleur, jamais la graisse du moteur. Le robot contestataire se dit, une fleur, à quoi ça sert? Et pour percer le mystère, actionna son levier en fer, puis arracha un pétale et le glissa dans sa spirale. Adieu le travail bien fait, il enclenchait d'un air distrait, faisait bouillir le courrier ou bien il épluchait bébé. Alors sans penser à mal, il mangea les autres pétales. Et quand il lit passionnément, tomba en panne subitement. Puis il cala dans un bruit sourd, sans savoir qu'il mourait d'amour. Avez-vous reconnu cette voix? C'était celle de Charlotte Rampling. Les Saventuriers sur France Inter. Dans quelques années, les robots pourront interagir avec les humains de façon complexe. Ils devront être capables de détecter nos émotions et adapter leur comportement en fonction de la personnalité de chacun. Et ils auront l'intelligence que l'on aura bien voulu leur donner. Dans ce nouveau monde, les questions éthiques, bien sûr, se bousculent. Rodolphe Gélin est chercheur en robotique. Je pense qu'il faut avoir peur des robots comme on a peur de tous les objets qui nous entourent. Toutes les technologies qui nous entourent peuvent être mal utilisées et peuvent être bien utilisées. Voilà, la radio, ça a servi à la propagande, mais ça sert aussi à l'éducation des gens. Donc voilà. La robotique, comme toutes les autres technologies, ne représente pas un danger en soi, c'est l'usage qu'on en a. Et donc évidemment, le robot, s'il est mal utilisé, il peut être une menace terrible, et s'il est bien utilisé, c'est un bénéfice. 1er janvier 1974, Isaac Asimov est interviewé sur l'intelligence des robots. Supposons que les ordinateurs soient développés au point qu'un jour ils deviennent intelligents, peut-être plus intelligents que l'être humain. Un ordinateur vraiment intelligent, plus intelligent que l'être humain, est à mon avis supérieur à l'être humain et doit contrôler plus étroitement l'univers. Je ne vois là rien de criminel. Au cours des 3 milliards d'années, ou plus, qu'a duré l'évolution de la Terre, les organismes plus efficaces ont toujours remplacé les organismes moins adaptés. Nous ne nous indignons pas du fait que les mammifères ont hérité de la Terre et nous tombons d'accord, que le primate Homo sapiens est sans doute le plus prospère des mammifères. Alors, si nous l'admettons, il est juste que des espèces encore plus perfectionnées nous remplacent. Alors que les robots prennent la place des hommes ? Alors, le point, c'est que le robot n'est pas une espèce, c'est un objet. Et il n'a pas de volonté propre. A priori, le robot n'a pas dans ses gènes la volonté de remplacer l'homme. Quand nous programmons un robot, c'est pour qu'il nous aide, c'est pas pour qu'il nous remplace. Donc nous ne perdons pas de vue que... Un robot qui déciderait de faire du mal à l'humanité, soit c'est parce, ou de la remplacer, c'est soit parce que quelqu'un lui a demandé de le faire, soit il a un bug. Si quelqu'un demande au robot, et encore une fois, on reparle de l'usage de la technologie, spontanément, un robot aussi intelligent soit-il, ne dira pas, bah tiens, je vais me débarrasser de l'humanité. Mais des robots plus forts que les humains, c'est déjà possible dans certains domaines. Ah, dans plein de domaines. Là, qu'on parlait d'Atlas qui fait du saut d'obstacle, qui fait des sauts périlleux. Moi, je suis incapable de faire des sauts périlleux. Et donc, puis les robots font des calculs que je suis incapable de faire. Et puis, les robots réussissent au bilboquet ou à retourner des crêpes ou à lancer des balles dans des paniers d'une façon beaucoup plus efficace que moi. Donc, et puis, quand ils soudent, quand ils peignent, ils sont bien meilleurs que des êtres humains. Donc, bien sûr, dans des tas de domaines, les robots, l'intelligence artificielle a dépassé l'être humain. Et c'est pour ça qu'on les a fabriqués aussi. Et parmi les reproches qu'on fait aux robots, on craint qu'ils ne prennent trop de place dans la vie des humains, qu'ils prennent la place des travailleurs, par exemple. Alors, il y a des endroits où c'est craint, et puis il y a des endroits où c'est espéré. Voilà, au Japon, où il manque de main-d'œuvre, bah, ils disent c'est très bien si un robot peut remplacer un ouvrier. Donc je crois que le robot va, suivant les pays où il sera, suivant les cultures, il va prendre plus ou moins de place. Alors évidemment, voilà, il y aura toujours des patrons qui diront « moi je gagnerais quand même plus d'argent si je payais moins de salaire et que si je mettais un robot à cet endroit-là ». Ça arrivera forcément, mais je pense aussi que ça dépend des services qu'on va rendre aux gens, quoi, et que chaque entreprise, un patron qui rend que des services qu'un robot est capable de rendre, eh ben voilà, ça existe, mais il y a aussi beaucoup de services que les robots sont pas prêts de rendre, des services à la personne, des services où il faut être à l'écoute, comprendre des situations compliquées, dès qu'il faut sortir des sentiers battus. Et c'est là en fait où, et quand on s'énerve quand on discute avec quelqu'un, c'est quand les personnes vous répondent de façon mécanique, ah mais il y a une procédure, vous êtes pas dans la procédure, je peux rien faire. Voilà, donc quand les êtres humains réagissent comme ça, en effet, on va sans doute les remplacer par des robots. Si les gens disent « Ah oui, je comprends votre problème. En effet, il vous manque cette pièce-là et vous ne pouvez pas me la fournir parce que si, on va voir si on ne peut pas faire ci et ça. Voilà. » C'est là que l'être humain apporte toute sa valeur ajoutée. Et c'est là que l'humain doit comprendre que sa vraie place, elle est là. Elle est dans la compréhension des situations anormales. 30 janvier 1956, une conférence de l'écrivain André Mauroy. Un robot n'est pas un homme. Villiers de l'Isle-Adam a écrit un beau roman. L'Ève future, dans lequel une femme qui n'était qu'un automate et qui parlait par disque, faisait si bien illusion qu'un homme devenait amoureux d'elle. Mon Dieu, je sais bien qu'il y a des femmes dont la conversation est une série de disques et dont les passions tiennent plus de l'automate que de l'être pensant. Pourtant, nous savons tous que la robote qui nous séduira n'a pas encore été construite. Nous avons construit des merveilles, mais nous sommes la merveille des merveilles. Bon, en dehors du fait qu'il était plutôt misogyne, c'est pas mal vu quand même. C'est pas mal vu. Enfin, ce qu'il dit des femmes, on le dit des hommes aussi. Il y a des hommes qui répètent toujours la même chose. Vrai. Et donc, c'est. Et en effet, donc, c'est vraiment ça la différence entre l'être humain et le robot. Le robot, il a été programmé pour faire une tâche. Et si on le sort de sa tâche, en général, il aura du mal. Donc, le robot n'aura jamais de conscience. Alors, ah, vous hésitez. J'hésite parce que tout dépend ce qu'on appelle une conscience en fait. On peut programmer une conscience dans un robot. Je peux programmer le robot de telle sorte qu'il se pose des questions sur ce qu'il fait. Mais si moi je programme la conscience, est-ce que c'est vraiment une conscience? Ou est-ce que c'est juste un métaprogramme, un programme qui regarde les programmes? Pour moi, la conscience, c'est très lié au libre arbitre et au fait que nous choisissons notre propre conscience. Le robot, avant qu'il puisse choisir lui-même sa propre conscience, c'est-à-dire son propre jugement, voilà, là, il s'y passe du temps. D'une part, il va passer du temps, et d'autre part, nous, programmateurs de robots, fabricants de robots, est-ce qu'on a envie de ça? Moi, j'ai pas envie que le robot, il se développe sa propre conscience et son propre jugement et qu'un jour, je lui dise « descends-moi la poubelle » et il dise « non, j'ai pas envie ». Sinon, je revends ma robot. Dans le film Her, on voit ça, une intelligence artificielle qui va tenir compagnie à un garçon. Alors, indépendamment de tout ce que ça triste d'un point de vue social et de tout ce qu'il dit sur la solitude, mais voilà, donc il s'attache beaucoup. L'intelligence artificielle est formidable, elle n'oublie jamais rien, elle fait des blagues, elle comprend toutes ses blagues, ils s'entendent très bien. Et un jour, je spolie, comme on dit, la fin. Elle est spoliant. Parce que le film est sorti depuis un moment. Un jour, l'intelligence artificielle dit au gars, bah écoute, Moi, j'ai rencontré d'autres intelligences artificielles qui sont bien plus intéressantes que toi, et donc je te quitte. Et donc cette voix qui est dans son téléphone portable, dans son ordinateur, dit je te quitte et ne lui répondra plus. Allô ? Allô ? Samantha ? Moi, ça m'arriverait. Je considère que c'est une tromperie sur la marchandise, qu'il y a une défaillance et donc je veux être remboursé et je veux qu'on me remette à zéro mon intelligence artificielle pour qu'elle remarche et qu'elle s'occupe de moi à nouveau. Et c'est pas du tout le monde pour lequel vous travaillez. Alors, je m'intéresse beaucoup à cet attachement. Donc, c'est sûr que moi, le fait que cette intelligence artificielle connaisse bien son utilisateur, tout ça m'intéresse, qu'il soit capable de comprendre ses blagues, de comprendre du non-dit, de faire des références à des situations qu'ils ont partagées ensemble. Tout ça m'intéresse. Tout ça sont des choses que je voudrais mettre pour que le robot soit plus efficace, plus proche. En revanche, ce robot qui dit « bon, moi, j'ai d'autres centres d'intérêt que de m'occuper de toi », bah non, ça, c'est un bug. Alors, est-ce que vous pourriez me raconter le monde que vous imaginez avec les robots dans 15, 20 ou 30 ans ? En fait, c'est un monde dans lequel on ne fait plus attention à ce que les objets qui nous entourent sont des robots. Ils sont tellement intégrés dans notre quotidien que voilà, on a pris l'habitude de parler aux objets, qu'ils nous comprennent par la parole, qu'ils soient capables de comprendre notre langage corporel, d'anticiper ce qu'on a envie de faire. Bon, ça peut être des robots humanoïdes, hein. Je pense qu'on en aura. Donc des objets qui vont nous aider dans le quotidien, aux tâches pour lesquelles on n'a pas beaucoup d'envie. Donc des faire la vaisselle, descendre les poubelles. Bon, donc j'imagine qu'on arrivera à ces choses-là d'ici 15-20 ans. On aura la technologie pour le faire. Reste à savoir si c'est vraiment ça dont on aura le plus besoin, si c'est ce qu'on demandera vraiment à nos robots. Je crois aussi qu'il est un peu difficile de prévoir ce que feront nos robots parce que l'homme et le robot vont apprendre à se connaître et vont se distribuer les places un peu naturellement, le travail un peu naturellement. Donc aujourd'hui, on se fait une idée de ce à quoi on aimerait occuper nos robots, mais comme le temps va passer, peut-être on verra d'autres choses. Quand je vois l'usage qu'on a de nos téléphones portables, on passe quand même très peu de temps à téléphoner. Donc un objet qui a 20 ans, on appelait un téléphone, aujourd'hui, ça n'est plus vraiment un téléphone. Ça a la fonction téléphone, mais ça a des tas d'autres fonctions aussi. Donc de la même façon, le robot de dans 20 ans, aujourd'hui, je l'imagine descendre les poubelles. Mais entre-temps, d'ici 20 ans, je vais sans doute imaginer d'autres usages pour mon robot. On va être à l'écoute du marché et petit à petit, on va s'adapter notre produit et notre offre aux besoins. Et c'est ça, en fait, le grand mot, c'est ça. T'es pas à l'ingénieur de dire voilà ce que mon robot va faire. C'est aux utilisateurs de dire voilà ce qu'on voudrait que ton robot fasse. Et de la même façon que je vous ai dit pour les personnes âgées, moi, je voulais que le robot aille leur chercher la boîte de médicaments dans la pièce d'à côté. Bah, les personnes âgées m'ont dit c'est pas du tout ça la priorité. Soyons à l'écoute. C'est ça, le vrai métier de l'ingénieur aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute des besoins de son utilisateur. Et le robot est génial parce qu'on peut l'adapter à ses besoins. Merci à Rodolphe Gélin, le roboticien qui va changer notre quotidien. Cette émission, comme toutes celles de cette série, est disponible en podcast sur Internet. Tous les aventuriers de l'été sont déjà en ligne sur franceinter.fr. Stéphanie Texier réalise Les Aventuriers avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka. À la documentation musicale, il y avait Romain Couturier. Demain, ce que l'on peut attendre de l'hyperpuissance de l'informatique avec Gérard Berry de l'Académie des sciences. Très bonne fin de journée sur France Inter et à demain.